Amère victoire. 6 mois ont passé déjà. Faustine doit à nouveau sortir du pays. Renouvellement du visa oblige. En conséquence, elle accompagne Maxime et les filles en Europe à la fin des vacances. On se sépare à Roissy. Daphné, qui sera scolarisée cet automne aux USA, et Anaïs redescendent chez leur mère, dans le sud, tandis que Maxime anime à Paris 3 séminaires successifs. Faustine, elle, embarque, gare de Lyon, histoire d'aller embrasser papa, maman et Stéphane à Lausanne. Cet été-là, Stéphane effectue son école de recrue, le service militaire suisse. Il est très heureux, car enrôlé dans la fanfare. La planque par excellence, même si elle ne lui épargne pas l'entier des séances d'exercice pénibles, comme marcher 30 km de nuit avec tout le pactage. Maman a tremblé. Il est arrivé, rarement mais tout de même, que des jeunes un peu trop fragiles y laissent leur peau. Chaque fois, cela fait scandale et les gros titres dans la feuille d'avis. Toujours adepte des triangulations, elle confie à Faustine qu'il est de notoriété publique, que l'alcool coule à flot dans la garnison. « C'est là que les jeunes apprennent à boire, » dit-elle, persuadée que tous se liguent pour le dévergonder à son corps défendant. Elle espère que Stéphane ne finira pas alcoolique. Faustine, qui n'est pas tout à fait née de la dernière pluie, rassure sa mère. Si l'alcoolisme est héréditaire, comme semblent le prouver certaines découvertes récentes, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Personne n'est alcoolo dans la famille, si ? Ensuite, de quoi elle retourne à Paris où, pour une fois, elle ne travaillera pas. Enfin, presque pas. Elle accompagne néanmoins Maxime dans les hôtels où se déroulent les derniers séminaires. Faustine aide à préparer la salle, dépose les crayons, les questionnaires, les documentations. Vérifie que les réservations ont été faites au restaurant. À la fin de la session, elle compile les informations reçues, en fait un résumé. Satisfaction, frustration, autres besoins, remarques, critiques, etc. Afin que le bureau états-unien puisse réagir rapidement. En ce mois d'août, à Paris, Faustine et Maxime vivent quelques fins de journée paisibles, ponctuées de soirées découvertes musicales. Ils retournent au Slow Club, au Petit Opportun, à la Louisiane. Il n'y a que le petit journal Saint-Michel qui est fermé tout le mois. Pour une fois, ils sont ensemble le 15 août, jour anniversaire de la jeune femme. 27 ans, déjà. Ils le fêteront seuls, dans un petit bistrot sympa. Leurs amis musiciens sont en vacances, ne restent dans la capitale que leurs remplaçants. Ces jeunes, débutants pour la plupart, ne sont pas tous mauvais, loin de là. Maxime les écoute avec plaisir. Il est content de constater la relève assurée. Faustine espère qu'ils sauront se renouveler et ne resteront pas bloqués sur Petite Fleur, Egyptian Fantasy ou Take the A-Train toute leur vie. Pas comme Maxime qui se contente de rejouer encore et toujours les mêmes morceaux, alors même qu'il se réjouissait d'aller aux USA pour évoluer. N'avait-il pas également évoqué l'idée de prendre des cours il y a 2 ou 3 ans? Il voulait aussi apprendre à lire la musique, mais ça ne s'est toujours pas fait. C'est sûr que jouer d'oreille uniquement vous limite, mais peut-on lui reprocher de se satisfaire de ce qu'il connaît à la perfection? Faustine se dit qu'il n'est sans doute pas suffisamment sûr de lui. L'exilé profite de certaines journées pour revoir Mireille et Sylvie, bien que cette dernière consacre toute son énergie à son travail. Mariés depuis l'an passé, Maxime et Faustine n'avaient malheureusement pas pu répondre à son invitation aux noces. Elle vit désormais dans une tour du 13e arrondissement, en plein Chinatown, avec Jean-Fabrice. Ils songent sérieusement à procréer. Dans leur minuscule cuisine, autour d'un plat de pâtes, Sylvie explique que depuis cette année, Jean-Fabrice travaille à la corbeille du Palais Brongniart, la Bourse de Paris. Elle est bien soulagée de ne plus être la seule à subvenir aux besoins du couple. Il aura fallu à son homme un très long cursus pour apprendre le béaba du métier. Pendant ce temps-là, ils étaient à la limite de la pauvreté. L'égalité salariale n'est pas encore de mise en France. Et ça consiste en quoi exactement son boulot? C'est rigolo, ils utilisent un langage des signes. Quand JF a des titres à vendre et qu'un acteur potentiel les demande, il crie « J'ai » et tourne sa paume vers l'extérieur. Ça veut dire « Je vends ». Et quand il doit en acheter, il crie « Je prends ». Garde ses paumes en dedans. Ça veut dire « J'achète ». Tu te rends compte, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le truc, c'est de réagir au quart de tour et de flairer les tendances. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais il y a secret professionnel, même vis-à-vis de moi. Ouais, c'est comme une table de jeu au casino, en fait. C'est ça, oui, mais il y a encore un peu de chemin à faire avant d'être connu agent de change. Eux se gardent les valeurs les plus liquides. Ils codent directement depuis le centre de la salle, s'appuyant à la corbeille. Elle ressemble à quoi, cette fameuse corbeille dont on nous rebat les oreilles aux infos? Un panier dosé? Logique si on y met de l'oseille, se dit Faustine. Sylvie rit. Non, non, il n'y a pas d'argent dedans. La corbeille, c'est une barrière circulaire garnie de velours rouge autour de laquelle se tiennent les agents les plus importants. C'est plus facile à repérer. Et au milieu, tu ne vas pas me croire, il y a un cône de sable blanc d'1 mètre de hauteur en guise de cendrier. On voit d'ici les nababs et leurs gros cigares. Faustine est épatée par toute cette esbroufe. Elle ne connaît rien encore des dommages causés par la spéculation, ne se rend pas compte que ces gens font et défont les économies au détriment des travailleurs. Jean-Fabrice, lui, est plutôt content de sa progression. Si ça continue ainsi, ils pourront bientôt s'acheter une maison, à moins qu'ils ne perdent au jeu. Une semaine plus tard, Maxime ayant terminé son travail à Paris, le couple rentre aux États-Unis. À Kennedy Airport, Faustine voit son visa renouvelé pour 6 mois sans problème. Faustine renoue joyeusement avec sa routine sécurisante. Elle lance une machine de linge puis confectionne ses pains. À midi, apportant son déjeuner à Maxime, elle récupère les dernières pages à taper. De retour à la maison, elle allume machinalement la télévision. Son boulot de frappe lui semble moins fastidieux quand elle est distraite par un bruit de fond. En plus, cela lui fait l'oreille. Aujourd'hui, gros plan sur Billy Graham. Zut alors ! Faustine écoute 5 minutes. Elle a décidément beaucoup de peine avec ses spectacles religieux à la mise en scène ostentatoire. Cela correspond si peu au souffle ténu de Dieu tel que décrit dans la Bible. Pendant qu'elle se demande ce qui pousse les gens à acclamer de tels discours outrés, l'autre s'excite sur son estrade, promettant les foudres de l'enfer à tous les hérétiques. Quelle horreur ! Vite, passons à la chaîne suivante. Chaque fois, il faut se lever pour tourner le bouton. Résonne le générique de la petite maison dans la prairie. Voilà qui convient mieux. Faustine continue sa frappe. Quelques heures plus tard, elle arrive au bout du manuscrit de Maxime. Ça tombe bien, les caisses sont vides. Elle va pouvoir présenter son décompte d'heures à Pamela et récupérer son chèque. En fin d'après-midi, Faustine frappe à la porte du bureau de la comptabilité. « Salut Pamela, ça boum ? Je viens chercher des sous, j'ai plus rien à me mettre. Salut Faustine, attends, je vais voir Walter. » Un instant après, Pamela sort du bureau de son chef, un chèque à la main. « Voilà ton dû. Merci, Pamela. Tu sais que j'attends toujours que tu régularises ta situation. »« J'essaye, mais c'est difficile. Maxime n'a pas vraiment prévu de changer. »« Pourquoi tu ne le lui demandes pas à lui ? Il est vice-président, après tout. »« Non, c'est à toi de le convaincre. C'est important. Tu dois lui expliquer que tu mets tout le monde en danger ici. » Chaque fois que je sors de l'argent de la caisse noire, je risque ma place et celle de tous les autres, y compris la sienne d'ailleurs. Il ne serait pas content s'il devait rentrer en France. Bof, ça c'est moins sûr. Mais sinon, c'est si grave que ça? Le FBI va faire éruption ici? Comme si tu ne le savais pas. Très bien. Maxime est dans son bureau? Va voir. Faustine, très en colère, tout à coup fait irruption dans le bureau de son homme. Maxime sourit. « Mon amour, comme c'est gentil de me rendre visite. Mais t'en fais une tête, que se passe-t-il »« Il se passe que ton amour démissionne. »« Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait encore ?»« Oh, mais rien de spécial. Je reviens de chez Pamela qui me répète pour la 100e fois à quel point je suis en danger pour tout le monde. J'en peux plus. J'en ai marre d'être sur un tablard, d'être astreinte au visa de touriste, de devoir rentrer en Europe tous les 6 mois. » D'être là juste pour laver tes chaussettes et en plus d'être la seule à subir les inconvénients de la situation. Ras-le-bol de me battre sans arrêt contre toi, dans ton intérêt en plus. Il faut que ça cesse. Donc, j'arrête de travailler, tant pis si on crève de faim. Tu me retrouveras à la maison. Bye. Eh bien, c'est entendu. Mets-toi sur la touche. Et puis donc à faire, puisque t'auras du temps libre, profites-en pour te renseigner sur les conditions d'obtention d'une licence de mariage. Quoi ? « Tu m'as très bien compris, mademoiselle. Allez, file. Mais surtout, reste discrète, s'il te plaît. Si le Donald l'apprend, il va craindre pour ma carte verte et me faire tout un souk. Oui, mon amour, bien sûr, mon amour. Compte sur moi, mon amour. Faustine sort sans claquer la porte pour une fois. Elle prend sur elle, joue les blasés, agit comme si elle allait simplement acheter une salade au supermarché du coin, mais dans le fond, elle jubile. Il va l'épouser. Il a mis le temps, mais ça y est. Enfin! Pourtant, repensant à toutes les difficultés traversées pour en arriver là, malgré tout, à voir ce qu'elle voulait depuis le début, elle a au fond du cœur comme l'impression d'un énorme gâchis, un zeste de nausée. C'était bien la peine. Bien sûr, il a toujours soutenu qu'il, elle surtout, valait mieux que ça, qu'il ne s'agissait que d'une formalité. Évidemment, pas question de petites fêtes entre amis, voire d'un repas tout simple, histoire de marquer le coup. Pas question non plus de mettre un genou à terre, de lui offrir une bague, encore moins une alliance. Ce n'est pas pour elle, ce fatras romantique. Il faudra bien qu'elle s'y fasse. Tant pis, elle se contentera du petit anneau incrusté d'éclats de saphir que sa mère lui a donné à Noël. Elle le tenait de sa belle-mère. Une femme si méchante que maman n'a jamais voulu porter cette bague, de crainte qu'elle lui porte malheur. Faustine n'a que faire de ses superstitions. Pour elle, c'est un anneau comme un autre, et si on tourne la partie incrustée à l'intérieur de la main, le dessus fait totalement illusion. Tournant ses réflexions en boucle, Faustine arrive à la maison. Elle croise Lynn dans la contre-allée. À elle, la jeune femme ne peut s'empêcher de confier la dernière nouvelle. Lynn la félicite, lui donne les coordonnées du tribunal de district. Faustine téléphone pour prendre rendez-vous et s'enquérir des conditions. Bonne nouvelle, ni prise de sang pour le dépistage de la syphilis, ni témoins ne sont nécessaires en Virginie. Mauvaise nouvelle, les deux parties doivent se présenter en personne pour obtenir la licence. Mais celle-ci peut être fournie dans l'heure. Pour le reste, il n'y a pas de délai d'attente. Leurs actes de naissance, une carte d'identité, un numéro de sécurité sociale et $30 sont les seules exigences. À partir de là, ils peuvent se marier n'importe où dans le comté, devant une personne habilitée, en principe un juge de paix, qui demandera juste $50 pour 5 minutes d'intervention. Rendez-vous est fixé chez Iselui le 27 septembre, quelques jours avant l'arrivée de Daphné. Ce matin-là, le couple laisse sa voiture au garage pour une vidange, apporte des chaussures à ressembler chez le cordonnier et, en attendant qu'elle soit prête, va chercher la licence. La résidence de l'homme de loi est à deux pas, dont la rue principale. L'intérieur est magnifique. Faustine se dit qu'elle a bien fait de s'habiller un minimum. Jolie jupe ajustée, corsage en lainage léger, d'un blanc tout virginal, décoré d'une broche ancienne, cadeau de sa grand-mère. Foulard bleu prêté par Lynn. Ainsi, elle porte sur elle les quatre symboles de la mariée américaine. Something old and something new, something borrowed, something blue. Quelque chose de vieux, la broche, témoin de sa vie passée. Quelque chose de neuf, le joli corsage blanc, symbole de sa nouvelle vie. Quelque chose de prêté, le foulard de Lynn, objet venant d'une femme déjà mariée, représentant le bonheur conjugal. Et enfin, quelque chose de bleu, toujours le même foulard dont la couleur symbolise la pureté et la fidélité. Faustine ne pense pas que le double emploi du foulard rompra le charme. De toute façon, elle n'a pas le choix. Dos à la cheminée, monsieur le juge s'adresse aux futurs époux, sérieux comme un pape. Debout face à lui, Maxime agrippe la main de Faustine. Celle-ci sent le rouge lui monter au front et un sourire nerveux se développer, tandis qu'il lui impose une pression discrète. La jeune mariée en devenir fixe un point droit devant elle. Surtout ne pas regarder Maxime, au risque d'imploser. Quelle torture ! Le juge. Maxime et Faustine, vous célébrez ce jour l'un des plus grands moments de la vie et honorer les valeurs et les beautés de l'amour en prononçant les vœux du mariage. Je vais maintenant procéder aux questions usuelles. Monsieur Maxime, Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Faustine, ici présente? Oui, je le veux. Promettez-vous de l'aimer, l'honorer, la chérir et la protéger, abandonner tout autre et ne tenir qu'à elle? Oui, je le promets. Mademoiselle Faustine, voulez-vous prendre pour époux monsieur Maxime ici présent? Oui, je le veux. Promettez-vous de l'aimer, l'honorer, le chérir et le protéger, abandonnant tout autre et ne tenir qu'à lui? Oui, je le promets. S'adressant à Maxime, voulez-vous que nous procédions à l'échange des anneaux? Maxime hoche négativement la tête. Surpris dans un premier temps, l'homme de loi se ressaisit vite. Il conclut en souriant. Maxime et Faustine, dans la mesure où vous avez tous les deux accepté de vivre ensemble dans le mariage, vous êtes promis votre amour l'un pour l'autre par ses vœux, je vous déclare maintenant mari et femme. Félicitations, vous pouvez embrasser la mariée. Maxime obtempère. Ouf! Faustine a réussi à garder son sérieux. Par chance, la cérémonie n'a duré que 10 minutes. Le magistrat n'ose pas manifester sa désapprobation pour ce mariage sans alliance, sans fleurs, sans témoins et surtout sans famille. D'autant que la mariée n'avait même pas l'air enceinte. Il a dû penser que ces Français sont vraiment des sauvages, à moins qu'ils ne s'en fichent royalement. Après tout, ce n'est que du business pour lui. Faustine lui serre la main, puis sort très vite. Explose enfin derrière la porte. Maxime la rejoint. Il l'art. Au moins, il a attendu que tu sois sortie pour me demander ses $50. C'est un homme civilisé. Il n'y aura pas de photo souvenir non plus. Le couple de jeunes mariés récupère chaussures ressemelées et voiture vidangée. Maxime dépose sa femme à la maison avant de rejoindre son bureau. Il n'est que 10h30. Du travail l'attend. Il rentrera pour déjeuner comme d'habitude. Faustine, derrière leur porte, découvre avec surprise un gros bouquet de fleurs. Juste à côté trône une bouteille de champagne sur laquelle sont attachées par un joli ruban deux coupes en cristal finement ouvragées. Elles sont superbes! Il y a une carte avec le cadeau. Il vient de Paul et Lynn, leurs propriétaires, amis et voisins. Qu'ils sont gentils. Sur la carte, il est précisé que désormais leur loyer serait baissé de $100, car pour les Estavert, les mauvais jours sont passés. Ils n'ont plus besoin d'autant d'argent. Faustine se dit que ça tombe bien. Quel magnifique cadeau de mariage. Il fait un temps superbe ce 27 septembre 1983. Faustine décide de dresser la table au jardin sous les augustes chênes, histoire de profiter de la douceur de cet été indien. Elle s'applique dans une touchante tentative à rendre ce jour spécial malgré tout. Quand Maxime revient, il raconte que Don White lui a demandé la raison de son retard. S'il y avait eu un problème sérieux. Maxime lui a répondu « Non, non, pas de problème, je me suis mariée, c'est tout. » Il trouve cela très drôle. Tu aurais vu sa tête, hein? Il apprécie beaucoup le repas. Escalope flambée au cognac, sauce à la crème, gratin dauphinois, jardinière de légumes, succulent comme toujours. Par contre, il n'a pas du tout envie de champagne à midi. Il craint que ça lui coupe les jambes pour le reste de la journée. Il préfère de l'eau. À Faustine, visiblement déçue, il précise « Tu sais, Estine, ne va pas t'imaginer que cette formalité change quoi que ce soit pour moi. C'est juste un bout de papier sans signification en ce qui me concerne. Je t'ai toujours dit que je n'ai que faire d'un juge de paix pour m'estimer mariée. Souviens-toi de notre serment dans la petite église d'Ilioul, isolée du reste du monde, avec Dieu pour unique témoin. C'est le seul valable à mes yeux. Aujourd'hui, je ne vois pas plus de raison qu'hier de faire la fête. Bon, je retourne bosser. À tout à l'heure. » Faustine le regarde s'éloigner. Il a raison, bien sûr, sur toute la ligne. Il n'empêche, sans aller jusqu'à la belle robe blanche et la bénédiction religieuse, officialiser l'événement, entériner son changement de statut. Franchement, ça aurait nuit à qui? Se sentant très seule tout à coup, la jeune mariée débouche le champagne et siffle la bouteille en pleurant. In my solitude, you haunt. me with reveries of days gone by.